Les compétitions nationales du taekwondo pour la Coupe Chun-Sun sont ouvertes le 21 courant au Palais des Sports de Nampo à l'occasion du 64e anniversaire de la grande victoire dans la guerre de libération de la patrie. Les cadres concernés, sportifs et citadins, ont pris part à la cérémonie inaugurale. Les joueurs sélectionnés des équipes de taekwondo de tout échelon et de l'école centrale de sport disputent les matchs de taekwondo et de bado. À la suite de la cérémonie, les taekwondoïstes ont fait une démonstration.